Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto. Première émission de la nouvelle année, année 2015. On est le 6 janvier. Bonjour, bienvenue. Luc Desormeaux au micro. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Avec moi ce soir, ben, j'ai l'irréductible, celui qui est, ma foi, quasiment toujours là. C'est vraiment rare qu'il est absent. C'est Jean-François Beaulieu. Salut Jean-François. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va très bien. Tu passes un bon temps des fêtes, pas trop de dinde, oui. De la tourtière, des attaquards. J'ai bien mangé, mais je me suis bien reposé parce que les vacances, j'en avais besoin. Oui, hein, t'as un travail quand même assez demandant. Ça dépend des périodes, mais la période de Noël, c'est la période la plus... Pour moi, c'est la période la plus stressante. OK. Ouais, dans mon travail. OK, ouais, c'est, je peux voir dans le domaine que t'es, je peux voir pourquoi un peu. C'est ça, on mange de l'argent, alors faut... c'est le meilleur temps, fait que... Ouais, les gens ont le cœur sur la main pendant le temps des fêtes. Oui. Mais pas tous. Non, pas tous. Il y a quand même des Grinch et des gens un peu stupides. Des Scrooge. Ouais, c'est ça, des Scrooge, des gratteux et des gens qui veulent détruire Noël pour les autres, mais bon. Ouais. Parlant de gens qui veulent détruire pour Noël, je vais vider le cœur tout de suite. J'avais un merveilleux Honda CR-V pendant 2 semaines pour le temps des fêtes. Et puis, le soir vraiment, dans la nuit du 24 au 25, j'étais chez ma sœur pour un petit party familial. Et quelle fut ma surprise quand j'ai sorti dehors à 1h30 pour quitter. J'avais été victime d'un ce qu'on appelle un hit and run. Un délit de fuite. Le monsieur, probablement sous... parce qu'on a retrouvé beaucoup de pièces sur place, dont un pare-choc avant complet et un réservoir de la vitre. Puis quand j'ai un réservoir, je parle pas d'un bidon, je parle vraiment où vous le mettez dans votre auto et qui le distribue. Ça a cogné fort d'abord. Donc ça a cogné très fort. Donc si par hasard vous connaissez quelqu'un dans la région de Mirabel, plus précisément Saint-Janvier, qui possède une Nissan Versa de couleur noire ou gris très foncé, qui lui manque un pare-choc avant et un réservoir de la vitre, saluez-le de ma part et dites-lui que c'est à moi qui a fait un délit de fuite et je lui souhaite que le karma le rattrape. Donc c'est ça. Là-dessus, merci beaucoup. Ça a mis beaucoup de joie dans mon temps des fêtes. Tu comprends? Ouais, parce que stressé jusqu'à la seconde même où j'ai été le reporter chez Honda, même si je les avais avertis et tout ça, tu te sens toujours mal parce que c'est pas ton auto. Donc c'est ça, je l'avais pour 2 semaines et malheureusement, je l'ai roulé à peu près 4 à 5 jours en tout. Ça vraiment pas. Mais pour parler un peu du CR-V, c'est un merveilleux VUS. À part le système de divertissement, le reste, okay. tout est vraiment très bien. Mais le système de divertissement, c'est pas le pire que j'ai connu, mais c'est certainement pas le meilleur. Là. C'est difficile d'utilisation. Okay. Mais bon. Puis cette semaine, c'est des essais que je vais vous parler plus tard, plus en longueur. Cette semaine, j'ai la chance de conduire la nouvelle Chrysler 200. Là, je sais, quand je parle Chrysler 200, je vois... nos milliers d'auditeurs, peut-être la moitié d'entre le millier, là j'exagère quand je dis 1000, là, juste pour me sentir pas cheap, je vous vois dans ma tête avoir les yeux qui rentrent dans l'orbite par en arrière en disant une Chrysler 200 et vous rappelez de très mauvais souvenirs de la Sebring et même de la 200 de l'ancienne génération, donc la Chrysler 200 de l'an dernier. Cette Chrysler 200 2015 n'a rien à voir avec les anciennes. Mais rien du tout. Je la conduis depuis lundi et puis je suis tranquillement, pas vite, en train de tomber en amour avec. Parce que c'est une merveilleuse petite voiture et elle est 4 roues motrices. Et avec le V6 Pentastar là-dedans, ça a un beau petit son, ça gronde, ça se déplace très bien, c'est hyper confortable. L'intérieur... On a vraiment l'impression qu'on est dans une voiture beaucoup plus dispendieuse que ce l'est vraiment. Et j'ai pas regardé le prix. Là. Elle doit frôler les 40 000, c'est sûr, équipée comme elle est, là, avec la traction intégrale et tout ça. Puis je peux me tromper. Je vais regarder la liste de prix, puis je vous en reparlerai plus tard quand je ferai l'essai complet. Là. Mais c'est vraiment une super belle voiture. Fait que juste vite comme ça, si jamais vous êtes sur le marché pour une voiture de ce style-là, prenez le temps d'aller la voir. Puis prenez le temps de la conduire un peu, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Puis l'intérieur, c'est super bien pensé, c'est super bien fini. Puis le système Uconnect, c'est un des meilleurs sur le marché présentement. C'est un des plus faciles à utiliser. Ça m'a pris littéralement 1 minute et quart, je pense, à programmer mon téléphone pour le Bluetooth dessus, puis mon iPad pour le Bluetooth dessus. Ça s'est fait comme un charme. C'est facile à utiliser. Il y a des boutons aussi pour certaines fonctions utiles comme le volume, puis ces choses-là. C'est hyper bien pensé. Fait que chapeau, là, je vais vous en faire vraiment l'essai complet plus tard. Ça fait juste 2 jours que je la conduis en date pendant qu'on enregistre, là. Mais c'est vraiment, vraiment super. Autre chose, bon, d'habitude, je vous l'ai dit toujours, on enregistre plusieurs émissions à la fois. Là, pour les prochaines semaines, ça va être une émission à la fois, vraiment, parce que c'est le Salon de l'Auto de Montréal. J'y vais jeudi prochain. C'est ça, le Salon de Montréal, la journée de la presse, jeudi. Je vais aller faire un tour pour aller voir les nouveautés puis ce qu'on va nous présenter. Puis la semaine prochaine, juste avant le salon, on va probablement enregistrer ça mardi comme on le fait ce soir, là. Je devrais avoir Bertrand Godin, puis Marc Bouchard. Donc Bertrand Godin qui est le porte-parole du Salon de l'Auto, puis Marc Bouchard qui est pour rédacteur en chef chez autogo.ca, qui vont venir nous parler là, de ce qu'on peut s'attendre à voir, puis ce qu'il y a à faire au Salon de l'Auto. Bertrand, ben, c'est parce que, comme je disais, c'est le porte-parole du salon. Puis Marc, il a travaillé sur un concept là, je me rappelle pas du nom exact, mais il me semble que c'est les essais coup de cœur où les gens pouvaient voter pour les voitures qu'ils aimeraient essayer sur place. Donc, ils ont compilé une liste de voitures dont les constructeurs étaient d'accord à amener sur place. Et puis, ces voitures-là vont être disponibles pour des essais routiers, donc pour être essayées pendant le salon de l'auto. L'année passée, c'était des voitures électriques. Cette année, je suis pas sûr qu'il y ait des voitures électriques, mais ils vont avoir les essais coup de cœur. Dans la liste, il y avait la Mustang 2015. Ok, Juste comme ça. Peut-être l'F-150, le nouveau F-150 en aluminium. Je sais pas ce qu'il va avoir. Je me rappelle plus de la liste par cœur, mais il y avait des belles choses. Puis aussi, ça a été annoncé aujourd'hui par mon ami Sylvain Juteau de Roulé Électrique. Tesla va être au Salon de Montréal cette année. j'ai vu ça, oui, c'est ça. Fait que si vous voulez aller voir la Tesla S, la nouvelle P 85 D, donc la Tesla à 4 roues motrices qui, selon les vidéos sur Internet, est capable de compétitionner facilement sur le départ avec des Ferrari et Lamborghini de ce monde. Bon, ça se gâte quand la Lamborghini prend son air d'aller, là, mais est capable de compétitionner avec ça. C'est assez impressionnant, mettons. Donc, c'est ça. Ça va être les émissions pour les prochaines semaines. Puis on va avoir aussi une émission probablement post-salon de l'auto où on va parler de ce que j'ai vu, des choses comme ça. Donc, un après-salon. Puis on va mélanger aussi le salon de Détroit. Parce que le salon de Détroit et le salon de Montréal, ça se chevauche pas Ouais, mal, là. Puis il va y avoir plus de nouveautés au Salon de Détroit, c'est garanti. Mais pour ce soir, on va rentrer dans nos sujets. On va y aller avec toi, Jean-François. Tu as suivi le début du CES, oui. qui est le Consumer Electronic Show. CES qui était auparavant un salon de télévision, de lecteurs Blu-ray, Ouais. de nouvelles technologies de salon surtout, puis d'audio, des baladeurs MP3, des choses comme ça. Salon que Apple boude parce que eux autres, ils font leurs propres affaires, mais il y a beaucoup de produits qui vont avec les iPads, des choses-là qui sortent là. Mais depuis quelques années, c'est devenu comme la Mecque de la voiture aussi. Les Ouais. constructeurs y vont pour présenter leurs nouvelles technologies. Si je me rappelle bien, la Mustang avait été montrée là l'année passée pour une raison que j'ignore, là, mais il me semble que je me trompe pas trop en disant que la Mustang avait été présentée là. Puis il y avait eu aussi plein de constructeurs qui se présentent là. Donc, côté automobile, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, à date, là, parce que ça continue, je pense, toute la semaine, là. J'ai toute la semaine, moi, le CES, c'est comme mon deuxième Noël. C'est comme ton deuxième Noël, ouais. Vraiment ça, il y a un jour, là. C'est comme, il y a tout quoi de nouveau à chaque jour qui apparaît, que ce soit parce que présentement, cette année, c'est vraiment, le CES est vraiment ouvert, pas juste aux télévisions, tout ça. Il y a les domaines voitures aussi, mais aussi l'Internet des objets. C'est-à-dire qu'avec les maisons intelligentes, toute la cuisine, comme par exemple, juste un exemple vite, LG ont décidé de sortir une laveuse à deux tiroirs, c'est-à-dire qu'on peut laver deux brossées de linge en même temps. OK. Ça va Ouais. être des tiroirs diminués, j'imagine. Mais le premier est normal, puis le deuxième est un petit peu plus petit. Il est vraiment plus petit, là. OK. Mais c'est deux sections pour laver la neige. OK. C'est comme ça, tranquillement, il n'y a pas juste télévision, il n'y a pas juste genre, les 4K, les télévisions OLED ou les télévisions genre un peu pas ovales, mais panoramiques. Mais ils ont dû montrer du 8K aussi, parce que là, le 4K, ça a l'air que c'est déjà du passé, là. C'est le 8K qui... J'ai pas trop suivi les télévisions. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'est tout ce qui est plus auto, puis tout ce qui est genre maison. Mais télévision, moi, OK. pas Ouais. mal plus, j'ai la mienne, puis je suis bien content, fait que je suis pas la technologie là-dedans. Fait que, Côté auto, là, qu'est-ce que tu as vu d'intéressant? côté auto, il y a Audi cette année qui s'est réessayé avec leur essai de voiture A7, leur développement de l'auto. Qui ont fait faire un voyage de San Francisco jusqu'à Las Vegas, parce que le salon était à Las Vegas. L'an passé, ça n'a pas fonctionné. L'auto, elle est en panne. pas est en panne, excusez, parce que cette auto-là se conduit tout seul. C'est le mode autonome qui a tombé en panne. OK, mais Alors, j'imagine qu'il y a quelqu'un dans l'auto, c'est il y a juste qu'il quelqu'un dans conduit pas, là. l'auto. Oui, non, oublie ça, il y a quelqu'un dans l'auto, sinon ça n'irait pas bien. Fait qu'après un an, on décide de refaire ce trajet-là en 2 jours. C'est 550 000. Je ne sais pas en kilomètres comment ça fait, mais c'est quand même assez loin. Ouais. Puis ça, c'est vraiment la nouvelle Audi qui se conduit tout seul. Fait que, puis c'est pas, il est pas le, Audi n'est pas le seul dans le domaine de luxe à OCS à dévoiler une voiture autonome. Il y a Mercedes aussi qui a décidé de se lancer là-dedans, puis qui a dévoilé son modèle qui ressemble plus à un prototype. Ça ressemble plus à un prototype parce que le modèle est vraiment futuriste, d'une voiture qui se conduit soit autonome, soit par un des passagers de la voiture. Un des passagers. Ouais, un des passagers. OK. J'ai vraiment lu 2 fois pour être sûr que j'ai bien lu. OK. C'est un des deux passagers. Juste pour en revenir, 550 000, c'est 885 km. C'est quand même pas mal. Ça commence à être loin. Ouais, c'est pas mal loin. Fait que si je reviens à la Audi, la façon dont la Audi fonctionne, la A7, c'est qu'en avant de l'auto, il y a un radar à longue portée qui permet de visualiser le trajet, pas le trajet, mais ce qu'il y a devant l'auto. Il y a aussi plusieurs des capteurs dans la voiture aussi. Il y a un laser, un scanner laser devant la grille, que lui, ce qu'il fait, c'est que lui peut détecter les objets de proche ou de loin. Puis aussi une caméra 3D qui fait le tour de la voiture avec 4 caméras autour de la voiture aussi, là, qui est en avant et en arrière, à chaque côté de la voiture. Puis, fait que toutes ces informations-là, des capteurs, est envoyé à l'ordinateur de bord, avec aussi le GPS aussi. Ça permet de contrôler les freins, l'accélération, puis les virages. C'est tranquillement, eux autres aussi ont décidé de faire la même chose que les autres constructeurs avec le modèle autonome. C'est pas mal ça qui est le thème cette année au CES. Ouais, mais je la regarde, là, au moins ça c'est beaucoup plus beau que la voiture de Google qui t'avait Ah, vraiment belle, celle-là. un espèce de radar sur le dessus, puis Ouais. ça cassait un peu le look de la voiture. Là, si t'as regardé vite vite, c'est une A7. Très belle voiture, celle-là. C'est J'aimerais bien l'avoir ça dans ma cour, mais. ouais, mais ça te prendrait peut-être deux jobs. Ouais, c'est Ou sûr. Ouais, plus. Mais exact. oui. Non, non, c'est une magnifique voiture. Puis, un des challenges de la voiture, c'est les changements de voie sur l'autoroute. Parce que la voiture se guide elle-même. Puis, si jamais les lignes disparaissent à cause de construction, à cause du mauvais temps, fait que l'auto doit se fier au GPS, la distance relative avec le trafic alentour de la voiture. Moi, je peux voir où ça devient compliqué parce que pour avoir conduit quelques modèles avec des systèmes d'assistance à la conduite comme le CRV que je parlais tantôt. Où la voiture va te ramener gentiment dans ta voie quand tu commences à trop coller les lignes. Je peux voir s'il n'y a pas de ligne que ça vienne un peu compliqué. Puis le seul défaut de la voiture, c'est que lorsque la voiture approche d'une zone urbaine, la voiture signale au conducteur de prendre le volant. OK. Ils sont pas encore rendus là. Il y a encore un problème avec la conduite en ville, avec les obstacles, puis tout ça. La voiture n'est pas encore prête pour ça. OK, moi, non, c'est L'instant, ça. c'est seulement pour les autoroutes, puis dans la campagne, puis mais Mais pas. ils l'ont fait conduire sur ce qu'ils appellent la Strip à Las Vegas, où c'est quand même assez. Le trafic est assez volumineux, là. Il y a quand même beaucoup d'autos. Puis. J'aurais aimé savoir si le conducteur la pilotait ou si c'est l'ordinateur qui le pilotait la voiture sur la strip. Ouais, ben selon ce que j'ai vu, moi, il disait que la voiture avait été capable de naviguer sur la strip tout seul. Mais bon, c'est ça, jusqu'à quel point qu'il n'y a pas eu besoin de temps en temps de s'impliquer pour la ramener ou que la voiture n'a pas dit, gars, prends le volant, là, parce que là, je t'avais d'emboutir les quatre voitures en avant, là, je sais pas trop. Ouais, c'est Peut-être. ça. Mais déjà que c'est si proche, là, on parle. Carrément, là, on parle dans les 10 prochaines années, on va pouvoir s'acheter une voiture qui se conduit tout seul, là. Ah, c'est vrai. Ah, Mais c'est c'est les prix. C'est plus ça. les systèmes vont, moins les systèmes vont coûter cher, mieux que ça va être. Dans 5 ans, ça va sortir, mais ça va être seulement pour des véhicules d'haute gamme qui vont coûter les yeux de la tête. C'est ça, BMW, choses comme ça. Tout le monde travaille là-dessus. Ford travaille là-dessus. Tesla travaille là-dessus. Tous les constructeurs travaillent là-dessus. C'est la prochaine grosse affaire, Alors, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je suis pas nécessairement contre, c'est juste de voir. Moi, je vais avoir l'option. Si tu me vends une voiture qui se conduit tout seul, parfait dans le trafic, c'est merveilleux, super. Aller travailler le matin, et puis être toujours dans, tu sais, départ arrêt, c'est plate. Mais si j'ai le goût de conduire sur une autoroute dégagée, je veux dire, tu sais, je dois pouvoir prendre le volant puis faire ce que je veux avec l'auto. Mais je suis pas contre ça. Ça peut être agréable dans le trafic parce qu'il n'y a rien de plus plate qu'être toujours frein, accélérateur, frein, accélérateur, tu sais. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça. Mais c'est sûr et certain que ça va être des voitures automatiques. Tu pourras pas mettre une voiture manuelle avec ce système-là où ça prend quelqu'un pour changer de vitesse. C'est sûr, c'est sûr. Bon, mais c'est ça. Fait que la prochaine technologie, c'est l'évitement des accidents. J'ai lu un article sur le site SINET, puis j'ai vraiment ri parce que le titre, ça, c'est « I tried and failed to crash a BMW ». BMW i3 at CES 2015. OK. On lit le texte. OK, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? C'est que le BMW i3 possède la technologie Active Assist. Puis l'i3, c'est une voiture électrique aussi. Ouais, pas tellement belle, mais oui, Non, elle pas vraiment belle. voiture électrique. C'est ça, une voiture électrique. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une genre de fausse brique dans un terrain. Puis, la voiture, ce qu'elle essaie de faire, c'est qu'on essaie de foncer vers le brick. Le premier test, c'est qu'il roule comme d'habitude, puis il s'en va vers l'obstacle. La voiture elle-même freine en voyant l'obstacle, sans toucher à l'obstacle. Fait que le deuxième test, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de peser dans le fond, puis de lever le pied à l'accélérateur juste avant la collision avec la brique. Puis l'auto s'est arrêté tranquillement tout seul, sans jamais frapper l'obstacle. J'ai trouvé ça OK. Fait que tranquillement, on s'en vient vers des voitures qui vont pouvoir éviter les accidents, surtout les accrochages dans les centres d'achat ou les scratchs ou peut-être les hit and run, peut-être, mais. Mais ça non, là. Je veux dire, Non, c'est pas ça. y a rien qui va régler le problème de cave. Mais oui. Fait que c'est ça, ce système-là existe déjà, mais ça va devenir probablement de plus en plus commun dans les voitures, puis ça va peut-être empêcher des petits accrochages niaiseux qu'on a des fois. Exact. Puis, comment que la voiture fonctionne, c'est un peu le même principe que l'Audi. Elle a quatre scanners laser qui font comme un genre de vue du monde autour de la voiture. Il y en a deux en avant qui font une vision de 140 degrés. Puis, les deux autres, bien, en tout, ça fait une vision de 360 degrés. Le petit problème, c'est que. Les lasers ont comme des angles morts, comme des blind spots qu'ils voient pas. Des places qu'ils voyaient pas. C'est ça. Fait que ça, il y a encore peut-être un petit peu de travail là-dessus à faire. OK. corriger peut-être ce défaut-là, des petits angles morts là, des lasers. Fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle que le journaliste essaye de vraiment faire un accident avec la voiture. Il n'a jamais été capable. Puis en même temps, avec cette voiture-là, ils ont aussi conçu un système de valet automatique. Le système de valet automatique. Une voiture qui stationne tout seul. Pas juste qu'il stationne tout seul. La voiture est capable de trouver un stationnement et de revenir. OK. Ça, c'est encore la I3? Ouais, encore la I3. Mais ça, c'est pas nouveau. Audi l'avait montré l'année passée au CES, puis ça fonctionne Ah déjà. Ouais. oui? Ah oui, la première fois que je voyais ça, je me disais, ah, c'est donc bien. Ouais, tu peux demander à l'auto de venir tu peux débarquer de l'auto, mettons à la porte d'un restaurant, dire à l'auto, va te stationner, Ouais. puis en autant, parce que là, c'est tout côté légal qu'on a de la misère, Ah ouais. la voiture, parce que si la voiture a un accident puis il n'y a pas de conducteur dedans, qui est responsable? C'est là, c'est C'est ça le problème. Ouais, non, c'est je comprends. des sections un petit peu floues de la loi. En autant qu'elle reste dans le stationnement, mettons, du restaurant, qu'elle prend pas la route publique, elle peut aller se stationner tout seul. Puis tu sors du restaurant, tu rappelles ta voiture avec ton téléphone intelligent, puis elle vient te rechercher à la porte. Là, La Audi le faisait. mais là, avec BMW, c'est pas le téléphone intelligent, c'est la montre intelligente. Ah, oh, ouais, OK. Ils sont rendus là. C'est-tu la Apple Watch? Parce qu'il Ça y a une entente avec Apple, puis BMW pour la Apple Watch. c'est une montre très grosse. Elle est plus grosse que celle de la Samsung, là. OK. Ouais. C'est peut-être quelque chose de propriétaire à BMW dans Parce ce qu'il cas-là. mentionne aucunement le mot Apple dans le texte, Ah, fait que ben, c'est pas. donc, si ça avait rapport avec Apple, crains pas que ça aurait été écrit en gros dans le texte. Ah, sûrement que ça va être en gros en texte, c'est sûr. OK. Ouais, mais ça se fait déjà. Il y a plusieurs compagnies qui Et... travaillent là-dessus. Ah, ça, je trouvais ça super intéressant. C'est la première fois que j'entendais parler de ça, puis je trouvais, OK, on est rendu là. C'est les systèmes de valet tout seul, conduite autonome. Dans pas long, on sera plus obligé de conduire notre voiture pour aller à tel endroit, mais. Ouais, c'est ça un peu. Tranquillement, ils sont en train de nous enlever le plaisir de conduire. En tout cas, pour moi, là. Ouais, ben c'est non, faut laisser les deux. Faut laisser le choix aux gens de conduire ou de se faire conduire. Exact. C'est ça. Ça va être le gros dilemme, ça va être la légalité de la chose aussi qui va être le gros dilemme. Ouais. Puis, je sais pas, ben, l'autre article, c'est Toyota avec ses voitures à hydrogène. Ils ont vraiment donné un coup de barre cette année sur ce sujet-là. Puis, ils ont décidé de mettre disponible plus de 5 000 brevets pour les systèmes à hydrogène. Bon, ils se prennent pour Tesla. Quasiment, j'ai regardé ça, puis ouais, c'est pas Ils mal. rouvrent le brevet pour que les autres compagnies embarquent. Mais regarde, justement, mon article qui va apparaître en ligne cette semaine sur Kijiji. Je parle du futur des voitures électriques. Puis Hyundai a signé une entente avec LG Chem pour des batteries. Puis ils planifient plein de véhicules électriques d'ici 2020. Puis la première serait la nouvelle Sonata. OK. Entièrement électrique, puis une version hybride, puis une version hybride branchable. OK. Fait que Hyundai, qui était un gros leader dans le domaine de la voiture à hydrogène, est en train tranquillement de mettre ça de C'est côté, puis s'en aller vers le totalement électrique. Mais oh, Toyota a tête dure. ben, je Fait vois ça là quand je lisais l'article. qu'ils vont essayer de nous pousser l'hydrogène jusqu'à la dernière seconde. On verra. On verra ce que ça donnera. C'est sûr. Puis l'affaire aussi, c'est que, il y a à peu près, je pense que 2 000 brevets qui sont utilisés pour l'entreposage du carburant, l'hydrogène. Il y en a quasiment 4 000, c'est seulement pour le logiciel Ouais. pour contrôler le ratio d'hydrogène dans le moteur. Ouais, C'est quand même c'est pas très mal, hein? technique. C'est très technique l'hydrogène parce que c'est extrêmement explosif. C'est beaucoup Ouais. plus explosif que de l'essence. Donc, c'est pourquoi les compagnies veulent utiliser ça à place du pétrole. Parce que t'as besoin de moins d'hydrogène pour créer une explosion plus puissante, mais c'est aussi plus dur à gérer côté sécurité puis tout ça. Puis c'est pas pour rien que l'hydrogène commence à arriver aussi. C'est qu'avant, il n'y avait pas les bonnes techniques pour avoir ça sécuritaire dans une voiture. Ouais. Tandis que là, présentement, ben, on est rendu là, là. Mais c'est trop Je sais peu, trop pas, hein? tard, là. Moi, tu hydrogène, je sais pas, là. Quand j'ai lu ça, j'ai fait OK. Le problème, c'est que ça risque d'exploser. C'est pas très. Non, non, non, ça donne une bonne explosion. L'avantage d'hydrogène, c'est qu'un coup que l'explosion est faite, ça devient de l'eau. C'est de l'eau, hein? C'est ça, c'est pas T'as chimère pantoute. zéro pollution. Mais c'est pas nouveau l'hydrogène, là. Je me rappelle au salon de l'auto dans les années 90, fin des années 90, je pense, milieu 90, Mazda avait présenté une Miata à l'hydrogène. Ça a jamais sorti, mais il y avait un concept de Miata à l'hydrogène au salon de l'auto. OK. À Montréal. Fait que c'est pas nouveau l'hydrogène. Ah, Mais c'est sûr. t'sais, avec le prix du pétrole qui était hyper haut, tout le monde se lançait vers des alternatives. Puis là, le prix du pétrole est redescendu. Ouais. Ça Ça aussi. devient peut-être un peu moins intéressant, mais le Bon. prix va remonter, là. Ouais, C'est pas là pour rester. c'est pas permanent. C'est juste que Non, non. l'économie va peut-être un petit peu moins bien. C'est peut-être ça pourquoi quelque chose est peut-être un peu moins cher. Moi, peut-être. Ou il y a certaines personnes qui veulent contrôler le marché du pétrole, puis essayer de faire un peu de dommage aux autres. Ouais. Fait qu'on verra, je sais pas, je suis pas dans les secrets des dieux. Loin de là. Oh. Puis hier, il y a eu une petite découverte, avec Chevrolet. Ouais, la Volt. Ça a pas duré longtemps, t'as 2-30 secondes. Ouais, mais les caméras sont rapides aujourd'hui. Ou très rapide. Il y a Mais pas mal. ils ont décidé de garder le suspense pour le salon des trois qui est la semaine prochaine. Ouais. Mais sauf que ils l'ont quand même montré un petit peu, mais ils n'ont pas donné grand-chose comme renseignement sur la voiture encore. Non. Je pense qu'ils attendent à la semaine prochaine vraiment à la dévoiler au complet, puis avec toutes les caractéristiques de la voiture. On connaît déjà certaines choses, puis encore là, ça fait partie de mon article de cette semaine sur Kijiji, là. Elle va avoir 5 places. L'ancienne était une 4 places. Celle-là va avoir 5 places parce qu'ils ont acheté une nouvelle technologie de batterie de LG Chem, la même compagnie qui fournit les batteries à Hyundai. OK. Donc, ils vont avoir reconfiguré le pack de batterie. Des lumières probablement à DEL, au moins pour les lumières de jour à DEL. On parle d'un nouveau moteur, un 4 cylindres de 1,5 litres au lieu du 1,4, moins énergivore, qui roule pas au carburant suprême. Fait qu'il va pouvoir rouler à l'essence ordinaire parce que la Volt, présentement, il faut mettre du suprême. Puis des petites choses comme ça. Puis côté autonomie, à ce que j'ai pu entendre, j'ai entendu deux choses complètement différentes. Une place qui disent ça va être à peu près pareil, donc on parle de 65 km, là, mais une Volt en plein été, si on fait attention, on peut faire 75 même avec la Volt présente, là, 70, 75 km, c'est pas un problème. Puis il y en a d'autres qui parlent que ça va être énormément amélioré. OK. Moi, je serais plus près de dire que ça va être pas mal semblable. Fait que peut-être maximum 80 km d'autonomie, mais probablement pas plus que ça. OK. Mais c'est ça. Puis pour le look, mais je vais attendre. Je l'ai vu vite vite là. À date, j'aime bien l'ancienne. Je trouve qu'elle a un look différent. Puis selon les photos que j'ai vues présentement, puis je vais faire mon idée, mais quand je vais l'avoir vue en personne, là, je trouve qu'elle fait un peu trop public général. C'est plus trop, mettons, trop ordinaire. OK. Elle n'a pas un look à elle, ce que la Volt avait. Là, on a essayé de la mettre plus pour qu'elle ressemble au restant de la gamme. Mais regarde, je me réserve un jugement, mais que je la vois en personne. Des photos, des fois, ça fait pas jugement. J'ai pas aimé la Mustang la première fois que je l'ai vue en photo, puis quand je l'ai vue en personne, j'ai trippé dessus. Est-ce que tu penses qu'on va être à Montréal, là? Ça me surprendrait. Elle va être présentée à Détroit, puis vu qu'on est trop collé, Ouais. ça me surprendrait bien gros. Quoiqu'au Québec, il y a beaucoup de Volt qui se vendent. Peut-être que GM va faire un Ford d'eux autres cette année, puis présenter la Volt comme Ford a présenté la Mustang l'année passée, que je pensais pas voir au Salon de Montréal, puis finalement on Okay. l'a vu. Mais bon, on le savait avant parce que c'était marqué dans les détails qu'il y avait un modèle sous embargo de Ford, là. On Ah, savait c'était quoi okay. quand on a eu la liste des dévoilements, parce qu'on a toujours la liste des dévoilements une couple de jours à l'avance, là. Okay. Mais des fois, c'est marqué sous embargo, puis on ne sait pas c'est quoi, mais t'sais, des fois, tu peux mettre un plus un ensemble. Ford n'avait pas grand-chose à présenter l'année passée que la Mustang au salon, fait qu'on savait que c'était ça. Ouais. Mais pour la Volt, je sais pas. Ça me surprendrait, mais je serais agréablement surpris, ça serait là. Parce que une des seules choses qu'on parlait vraiment dans la voiture, c'est le service OnStar avec le 4G intégré dans la voiture. Ouais. Ça, je vais dire, OK, l'Internet déjà dans les voitures, hein? OK. Ouais, C'est rendu assez avancé, là. tu peux partager le Wi-Fi On va faire avec ça. les gens qui sont dans l'auto. Mais en parlant d'OnStar, eux, il y a vraiment une amélioration pour l'année prochaine, 2016. C'est que OnStar, présentement, peut envoyer des notifications si jamais il y a une baisse de la pression des pneus ou si jamais le moteur est dû pour un changement d'huile. Il était passé là, pour un changement d'huile. Pour 2016, le modèle 2016, OnStar va contrôler encore plus de variables. C'est-à-dire que, par exemple, l'état de la batterie de la voiture, puis aussi le système de carburant, du carburant. Puis que ce qui va arriver, c'est si jamais la batterie ne fonctionnait plus ou moins, ben, il va y avoir un message OnStar qui va être dit au propriétaire de la voiture de dire, ben, OK, il y a un problème avec la batterie, fait quelque chose. Fait que ça, ils sont rendus déjà là. Mais la particularité d'OnStar pour 2016, c'est que il va y avoir du marketing qui va embarquer là-dedans. Il va y avoir des coupons rabais. Les entreprises ont déjà embarqué avec OnStar pour offrir des rabais ou des services. Comme par exemple, on va pouvoir réserver une chambre d'hôtel avec Priceline.com. Okay. Ils sont rendus là avec OnStar. Après ça, on va pouvoir avoir des coupons rabais. Genre, parce que Dunkin' Donuts est déjà dedans. Ils sont appliqués avec eux cette année, eh bien, en 2016, pour les coupons avec Dunkin' Donuts. Et puis, les gens peuvent acheter directement des livres audio avec audiobooks.com. Okay. Ouais, des services comme ceux-là. Fait que là, OnStar ne sert plus juste qu'à des services d'urgence présentement. J'ai hâte de voir ce que ça va être au Canada. Parce que J'ai. c'est beau, c'est bien le fun, ces affaires-là. Pas l'impression que ça va fonctionner ici, ça. Ça va Pas tout de peut-être suite. être plus difficile. Ouais. Mais probablement à un moment donné. Mais il va falloir qu'ils négocient des ententes avec le monde, t'sais, le monde au Canada. Je veux dire, ici, tu décides de négocier avec Dunkin' Donuts, excuse-moi, mais des Dunkin' Donuts ne peut à tous les coins de rue, là. Parce que c'était Morton, je pense, qui C'est ça. T'es mieux allé avec Tim ou McDonald's, quelque chose de même, là, parce que Dunkin' Donuts, tu vas avoir besoin de GPS pour le trouver. Là. Mais c'est quand même. Mais. Je me demande. Ça, je pense que c'est un guess pour GM. Je doute que ça va fonctionner. Non, on va voir. C'est. En tout cas, c'est le fun. Moi, j'aime ça voir ça. Parce que c'est encore l'avancement, on est rendu loin, puis c'est le fun. Mais de voir si ça va fonctionner, ça, c'est un autre problème. Ça, c'est une autre paire de manches. Ouais, ok, on va garder un œil là-dessus. Fait que pour l'instant, c'est pas mal tout ce que j'ai vu pour l'instant. Moi, je vais vous conseiller un site, si jamais vous voulez savoir là, les nouvelles du CES concernant les voitures. C'est le CNET, le CNET.com. Ouais, sont bons pour couvrir ça. Je regarde le top 5, puis la première, c'est CarTech. C'est les nouvelles des voitures. Ok. Ils sont plus lus. Oh ouais, Pas les nouvelles de la technologie. Hein, c'est une des parties les plus populaires à ce maintenant au CES. Ça Oui, devient pas c'est mal voiture, voiture, voiture. Bon, ben ça. c'est beau. Merci. Ça fait plaisir. Moi, je vais y aller rapidement avec mon essai de la Ford Fiesta 2014. Ford Fiesta, j'avais déjà parlé, je me rappelle bien, sur le podcast de la Ford Focus ST. Là, c'est la Fiesta ST, c'est sa petite sœur. Fiesta ST qui a, au Canada, vraiment pas de. Il n'y a pas de compétition, il n'y a vraiment rien dans ce créneau-là. Si on va avec la Focus, il y a la Golf GTI, puis il y a peut-être. Mettons la Forte 5 avec la version turbo qui est peut-être un peu là-dedans, mais tu sais, des voitures avec vraiment une tendance sportive dans cette grosseur de voiture-là qui est une sous-compacte, il n'y en a pas. Puis ça fait du bien, c'est vraiment une voiture qui est amusante à conduire. Fait que c'est drôle parce que bon, j'avais mis un article en ligne, puis je me rappelais, tu sais, dans le temps, quand tu achetais une voiture de cette grosseur-là, les constructeurs te punissaient, là. T'avais pas le droit de technologie, t'avais pas le droit des sièges en cuir, t'avais pas le droit à vraiment grand-chose. On te vendait un char avec une boîte manuelle puis des sièges de parterre en plastique vissés quasiment dans l'auto. Puis c'était ça ta voiture. Aujourd'hui, t'achètes une Fiesta, tu peux avoir les sièges en cuir, le MyFord Touch, tu peux avoir à peu près tout l'équipement que tu vas retrouver dans une Fusion Titanium. T'sais, t'achètes une une Fiesta Titanium aujourd'hui, c'est une petite fusion Titanium, là. Je veux dire, t'as tout là-dedans, c'est plus ce que c'était du tout. Fait que la Mais Fiesta. c'est parce que l'affaire aussi, c'est que Ford a comme vu qu'il y avait un marché pour ça. Tu sais, les jeunes comme nous, ben, Ouais. on cherche plus des petites voitures, puis ils sont vraiment belles, puis ils sont tout équipés, fait que c'est ça que avec la technologie, fait que c'est ça que les gens recherchent. C'est ça. Fait que le marché, c'est vraiment le marché pour les jeunes. Puis aux États-Unis, ici, c'est peut-être un peu moins vrai, mais aux États-Unis, la Fiesta ST, c'est probablement le meilleur rapport qualité-prix, là. Ça part vraiment pas si cher que ça. Puis c'est une voiture qui est vraiment quand même assez performante. Pour l'avoir conduite pendant une semaine, c'est vraiment pas mal agréable à conduire. Bon, extérieur. Ça ressemble pas mal à une Fiesta Titanium, là. On est pas mal équipé. On a les phares anti-brouillard et tout ça. La Fiesta ST a un kit de jupe, donc un ensemble d'apparences différents. Pare-choc arrière, pare-choc avant différent, des jupes latérales. On a le logo ST dans une grille un peu plus prédominante en avant. À l'arrière, j'ai été juste légèrement déçu parce que j'aime beaucoup le look de la Focus ST. On a mis un échappement plus comme rectangulaire central. Puis je trouvais ça vraiment super. Je trouvais que ça donnait vraiment un beau look à la voiture. La Fiesta ST, ben on a mis quand même un échappement double, mais on l'a mis, il est installé vraiment plus d'un côté, là, si je me rappelle bien, il est plus installé à gauche. Fait qu'il est double, mais il est rond, ça fait pas spécial, mais c'est quand même une voiture qui a un look super beau là, avec les pare-chocs puis les jupes. C'est vraiment super joli comme voiture. Quand on la regarde, on le sait que c'est pas une petite Fiesta bien ordinaire, là. Les clignotants dans les rétroviseurs. Bon, puis on a des logos ST un peu partout. On a des jantes en aluminium de, si je me rappelle bien, c'est du 19 pouces sur. Je l'ai même pas marqué dans mon article, ça se peut-tu? Poche. Ouais, t'as des jantes aluminium, si je me rappelle bien, c'est du 19 pouces sur la Fiesta. ST. La Fiesta ST est juste disponible dans la version hatchback, donc celle avec le haillon. C'est pas disponible dans la version avec le coffre, là, donc la version berline. C'est vraiment juste la version haillon que le modèle ST. Normalement, dans la Fiesta, on a des freins à disque à l'avant, des tambours à l'arrière. La Fiesta ST, elle a des freins à disque aux 4 roues. Donc, c'est vraiment une voiture qu'on calcule comme voiture de sport, là. Puis c'est une voiture qui va être le fun sur la route, mais même sur une piste, là, ça pourrait être assez intéressant, même que c'est là que vous allez probablement être capable d'aller chercher toute la capacité de la voiture, toutes les performances que la voiture va vous donner, ça va se faire sur une piste. Là. Sur une route, c'est comme ça se fait pas. Intérieur, bon, on a des sièges de course Recaro. Bon, moi dans ma version, il est en noir avec des insertions rouges. On a un volant aussi spécifique avec le logo ST. L'intérieur, c'est une Focus Titanium, donc c'est pour le reste, c'est tout l'équipement, le MyFord Touch. On a vraiment avec le Sync, on est tout équipé. Il y a un système MyKey qui vous permet de programmer une deuxième clé pour les enfants. Le Mikey va faire que vous pouvez limiter la vitesse maximale de la voiture, dire que si la ceinture est pas bouclée, la radio joue pas ou est pas plus haut qu'un certain volume. Il y a plein de choses côté sécuritaire que vous pouvez programmer si telle condition est pas rencontrée. Je pense même qu'on peut dire si la ceinture est pas bouclée, l'auto démarre pas. Mais ça devrait toujours être là, mais on peut le faire pour donner la clé à votre enfant, parce que bon, un jeune de 18, 19 ans, 16, 17, 18, 19 ans, vous lui donnez une Focus ST pour sortir un samedi soir, il va peut-être être heureux. Volant ajustable en hauteur télescopique, le volant, bon, on se prend bien en main, il y a tous les boutons qu'on a de besoin pour le système audio, les téléphones et tout ça. Le MyFord Touch, moi, je le déteste pas. Je trouve que c'est un système qui est quand même intéressant. Pas nécessairement facile à première vue, mais un coup qu'on a joué un peu avec, c'est pas difficile à utiliser. Les places avant, c'est correct, c'est assez spacieux. Arrière, c'est un petit peu plus serré. Des enfants, ça va. Des adultes, c'est peut-être un peu plus tassé, là. Pour des petits trajets, c'est correct. Si vous faites des grands trajets, peut-être que ça va taper ses nerfs un peu du monde. Mais bon, c'est quand même accessible. C'est pas si pire que ça. Si on regarde motorisation, la Fiesta ST, elle a un 4 cylindres, c'est un 3 cylindres, non, c'est un 4 cylindres EcoBoost de 1,6 litres qui produit 197 chevaux puis 202 livres-pieds de couple dans un petit auto comme ça. C'est assez intéressant. Puis elle vient avec une boîte manuelle à 6 vitesses. Il n'y a pas de boîte automatique pour la version ST. Si vous allez dans la version normale, là, vous avez différents moteurs. Il y a un 3 cylindres EcoBoost. Il y a le même 4 cylindres, mais pas de turbo-compressé qui existe aussi. Là, on parle de quoi, 120 chevaux, à peu près 123 chevaux, dépendant du moteur que vous choisissez. Comportement routier. C'est très bien. C'est une voiture de course pour la route. C'est pas quelque chose. C'est pas la petite Fiesta de base, là. C'est une voiture de course pour la route. Si vous l'amenez sur une piste, vous allez avoir du plaisir. Mais c'est une suspension qui est assez rude. Donc, on l'a pris. Moi, je l'ai eu la semaine de la fête de ma conjointe. Puis on est allé se promener un peu avec. Puis on a eu des routes inégales et on le savait. Donc, la voiture va vous mentionner, pas nécessairement gentiment et doucement, que la route est pas parfaite, mais c'est ce qu'on veut dans ce type de voiture-là, c'est qu'on veut ressentir la route. Parce que si vous êtes sur une piste, vous voulez sentir les imperfections, vous voulez être capable de savoir sur quel genre de pavé vous êtes. Fait que c'est correct pour ce type de voiture-là, ça me dérange pas trop. Mais sur une voiture, pas sur une voiture, mais sur une route qui est assez égale, comme une autoroute, quelque chose comme ça, il n'y a aucun problème. C'est vraiment si on pogne des routes vraiment maganées, là, ça peut vous brosser le Canadien un petit peu et peut-être changer certains plombages de place. Mais pour le reste, c'est ça. Puis comme je vous dis, si vous voulez vraiment utiliser le potentiel complet de la voiture, c'est sur une piste et pas ailleurs. Consommation d'essence, moi vraiment me garder la Fiesta ST, là, je les nommerai pas toutes parce qu'on finira pas. La Fiesta ST équipée du 4 cylindres 1,6 litres, ben c'est le moteur de la Fiesta ST. Ford annonce 8,9 litres au 100 km en ville, puis 6,8 litres au 100 km sur route. Puis c'est 8 en consommation combinée. Pour moi, là, pour ma semaine, j'ai pas été vraiment rude avec, j'ai pas fait de piste, j'ai pas roulé comme un fou. J'ai réussi à avoir une moyenne de 7,5 litres au 100 km en utilisation ville-route en conditions normales. Fait que c'est quand même une demi-litre en dessous que ce que Ford annonce, ce qui est quand même pas pire. Ça veut dire probablement que Ford est pas trop et pas trop optimiste dans ses chiffres, sont pas mal réalistes, puis ils s'attendent probablement à ce que le conducteur moyen de cette voiture-là va la rouler peut-être un petit peu plus dur que moi je l'ai faite. Mais 7,5 litres pour une voiture qui est capable de vous donner cette performance-là, c'est quand même intéressant. Fait que c'est ça. C'est une voiture qui est bien équipée, c'est une voiture qui est amusante à conduire. C'est vraiment un beau petit package qu'on pourrait dire. C'est un beau petit un bel petit ensemble. Qui a beaucoup de potentiel. Là, c'est ça, ça dépend toujours de ce que vous avez besoin. Mais tu sais, vous voulez avoir une voiture, vous avez besoin d'une petite voiture, vous voulez quelque chose qui est quand même capable de traîner, tu sais, un enfant, puis la valise est pas énorme, là, le coffre est pas énorme, mais c'est assez pour aller faire une épicerie, puis partir peut-être une petite fin de semaine avec pas si vous êtes une famille de 5, oubliez ça, là. Mais si vous êtes, tu sais, deux adultes, un enfant, deux adultes, deux enfants, ça peut peut-être passer. Le prix de départ de la Focus ST, c'est 26 264 $. C'est un petit peu plus haut qu'aux États-Unis. Je me rappelle, aux États-Unis, il me semble qu'elle commence à 20 ou 21. C'est un petit peu plus bas. Mais ici, il n'y a pas vraiment d'équipement de plus que vous pouvez rajouter. Je pense que le seul équipement de plus qui peut se rajouter là-dessus, c'est comme le toit ouvrant. Il n'y a pas vraiment, vraiment grand-chose. Ben, quoi, il n'y a pas grand-chose. Si je me rappelle bien, celle que j'avais était comme 32, qui doit avoir pas mal de stock qui peut se rajouter. Mais il doit être transport, préparation peut-être aussi qui embarque là-dedans. Là, c'est quand même quasiment 2 000 $, là. Mais Oui, oui. c'est ça, tu sais. Mais c'est ça, ça commence à 26 000. Fait que si vous regardez une Titanium, c'est 21 000. Vous allez là, vous avez plus de performance. C'est 5 000 de plus à peu près. Vous allez avoir 26 000. si vous avez ce genre d'argent-là à mettre sur une petite voiture, si vous voulez vous faire plaisir, vous avez une petite voiture, mais vous voulez pas vous punir, puis vous avez ce budget-là, puis vous voulez avoir quelque chose qui va être le fun, ben, je veux dire, c'est quand même un choix qui est intéressant. Fait que moi je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant comme voiture. Elle a un look différent. Moi, celle que j'avais était orange, assez voyant. J'ai pas passé inaperçu avec ça. Le monde le savait quand je passais. Mais c'est une voiture qui est vraiment intéressante, là. Tu veux, j'ai même pas monté, j'ai juste fait continuer. De base, avec transport, préparation, là, on parle de 30 198, puis peut-être qu'ils calculent les taxes là-dedans. Celle que j'avais montée, qui était comme la mienne, était comme 32. Fait que tu y as pas une grosse différence. Puis je pense que la seule option que j'avais, c'était vraiment comme le toit ouvrant. Puis peut-être la navigation, des choses comme ça, mais pas grand-chose, là. OK. Elle vient déjà pas mal tout équipée. Fait que c'est ça. Super le fun. Belle petite voiture. C'est sûr que le prix est un peu serré. Quand on approche les 30 000, souvent on est frileux d'aller vers une petite voiture comme ça. Quand on se dit, ah, mais ouais, mais pour le même prix, je peux avoir une Focus. Peut-être pas une ST, mais une Focus quand même bien équipée. C'est ça. Rendu là, on choisit, si on veut faire un compromis, qu'est-ce qu'on veut aussi. T'sais, on veut une voiture qui va nous donner des belles performances, ou on veut une voiture un petit peu plus grosse, et t'sais, plus d'équipement, ou qu'est-ce qu'on veut. C'est là qu'on fait notre choix, mais je pense que c'est un beau petit produit que Ford nous offre, puis à date, il n'y a pas vraiment personne qui compétitionne avec ça sur le marché. Fait que peut-être plus tard. Peut-être si un jour Volkswagen décide d'amener la Polo GTI, on verra. Okay. Oh. Ouais, parce que en Europe, si je me rappelle bien, la Polo GTI existe. Puis la Polo, c'est un peu dans le même créneau que la Fiesta, c'est plus petit que la Golf. Okay. Fait que ça doit être pas si pire. En Europe, ils ont plus de petites versions de Voyons. voitures Oui. sportives comme ça, là. Oui. C'est assez hallucinant ce qu'ils peuvent avoir. Tout le monde en fait, une Renault, Peugeot, ils ont toutes des voitures de sport. C'est vrai. Nous autres, on est un peu moins gâtés, mais ce qu'on a, c'est quand même la crème, là, je veux dire, la GTI. Tout le monde essaie de la battre, puis c'est assez difficile à faire. C'est une voiture assez extraordinaire. Donc, on va finir ça là-dessus. Merci Jean-François d'avoir été là. Ça fait plaisir. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils? Sur Twitter, à JFLIU. Parfait. Moi, si vous voulez me rejoindre, bien, sur Twitter, c'est Escalazormo. Il y a le compte Twitter du podcast auto qui est à Podcast Auto. Il y a le site qui est le podcastauto.ca. Vous allez vraiment retrouver majoritairement des liens au podcast et des choses comme ça. Puis de temps en temps, un article de Martin. Martin qui prenait congé ce soir. Il est fatigué, le monsieur, il travaille fort. Donc, il a décidé de prendre congé, mais c'est ça. De temps en temps, il écrit un article quand il a le temps. Il y a aussi, vous pouvez nous rejoindre le podcastauto@gmail.com et vous pouvez me lire sur Kijiji. À chaque semaine, j'écris un article sur l'automobile. C'est fr.kijijiblog.ca. .com, excusez, fr.kijijiblog.com. J'ai toujours l'impression qu'il faut que je mette un CA. Puis pourtant, c'est CA. Je me mélange tout le temps. fr.kijijiblog.ca dans la section véhicule. Bon, m'arrêter de me tromper. Et puis, c'est ça, à chaque semaine, un article différent. Cette semaine, ça va être justement sur l'espèce d'avenir des voitures électriques, là, ce qui a été annoncé, la nouvelle Leaf qui s'en vient, la Volt. Puis je parle aussi de la Tesla P85 avec une petite vidéo de elle contre une Ferrari. Puis je vous laisse deviner qui ce qui gagne. Puis aussi, je parle de la prochaine Hyundai Sonata qui va être électrique aussi. Je parle un peu de ça. Donc, ça va être en ligne cette semaine. Donc là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté encore une fois ce petit programme. Je vous rappelle, la semaine prochaine, on devrait avoir une émission spéciale sur pré-salon de l'auto. Donc, qu'est-ce qu'on pense voir et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-bas si on va visiter. Ça devrait être avec Bertrand Godin et Marc Bouchard. Et jusqu'à là, je vous dis ben merci beaucoup. Puis à la prochaine. Bye. Bye bye.